Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbo vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbo Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. C'est la chronique du MGS de Jonquière avec d'habitude on parle avec l'instructeur Gino Gagnon, mais là c'est pas l'instructeur cette semaine, étant donné que le MGS n'était pas en action. On va parler avec un joueur du MGS de Jonquière, c'est Simon Gervais, qui a été sélectionné la semaine dernière, la première étoile de la semaine dans la Ligue du Lac-au-Fleuve. Salut Simon! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Simon, première expérience, première étoile de l'histoire de la Ligue du Lac-au-Fleuve, donc d'un joueur de la semaine, c'est que ça te fait comme honneur? Ah, c'est plaisant, surtout pour la région, là, ici, Jonquière. C'est plaisant, les gens, ils viennent nous supporter, puis je vois que ça commence à vouloir prendre la Ligue, là. C'est plaisant de voir ce qui se passe avec tout ça. Okay. Simon Gervais, si on peut entrer au jeu, est-ce que tu as joué du gros hockey? Bon, je te dirais que j'ai pas vraiment joué du gros hockey. J'ai joué mon midget 2B à Jonquière, puis le junior 2A mes 4 ans avec Jonquière aussi. Là. OK. Puis est-ce que c'était ta première année? Est-ce que c'est. T'as quel âge d'abord? Moi j'ai 22, je m'en vais sur mon 23, mais l'an passé j'ai joué senior en Mauricie, là. OK. Si tu comparais les deux ligues, qu'est-ce qui est le mieux, je veux dire, en fait, calibre, est-ce que Ville-Saguenay, la Ligue du Lac-au-Fleuve, est-ce que c'est plus fort que la Ligue du Mauricie, ou étant donné que ça fait quand même, la Ligue du Mauricie un passé, ben, ça l'aide au calibre? Ouais, c'est sûr que la Ligue de la Mauricie, c'est plus fort, parce que justement, tu viens de le dire, ils ont beaucoup plus d'années d'expérience dans cette pluie. Mais j'imagine que quand ça a commencé, ça devait ressembler un peu à la ligue est en train de mettre sur pied, là. Oui, OK. Si tu parlais un peu de ta force, okay. Ouais. C'est quoi ta force, toi? Ma force, je pense que c'est mon lancer puis mon coup de patin. OK. Pourquoi on va choisir la Ligue du Lac-au-Fleuve comparativement à la Ligue de la Mauricie cette année? Est-ce que c'est le transport? Est-ce que c'est le calibre? C'est quoi? Parce qu'il y a des joueurs qui jouent dans les deux ligues, là. C'est sûr que le fait du transport, c'est demandant plus aussi là, pour jouer à Trois-Rivières. Puis aussi, ça faisait longtemps que Bob il travaillait sur ce projet-là. Je crois que c'est important d'encourager pour que le monde y vienne. Puis ça fait du beau hockey de voir dans la région quand même. Là. OK. Comment ça va dans les deux premiers matchs et les entraînements sur le GMGS? Comment ça va de ce côté-là? On n'a pas encore pratiqué, là, mais moi, j'ai joué les deux matchs-là. Je pense qu'on est une équipe qui va être quand même assez rapide. Puis, on est bien équipé en homme fort aussi. Ben oui, c'est sûr. Content de voir qu'il y avait eu 435 spectateurs. C'est quand même bon, là, pour une première. Ouais, c'est bien, puis je crois qu'on va pouvoir... continuer d'en amasser des partisans, là. Je pense que c'est en train de pogner là, Jonquière, beaucoup de gens vont s'intéresser à ça, puis ouais. C'est plaisant de voir ça. Ben, c'est un autre calibre que la Ligue nord-américaine, c'est un autre produit. Ouais, hein. C'est ça, mais tu sais, les gens qui voulaient voir un peu plus de bataille, puis tout, je crois qu'ils vont plus nous voir dans cette ligue-là, mettons. Là. Tout en ayant du bon hockey? Oui, exactement. OK. Ça l'attire une autre clientèle, tu sais, mettons. Ben, c'est clair, là. C'est que... En fin de semaine, c'est quoi votre formation? C'est contre qui vous jouez? On joue à Charlevoix vendredi soir à 9h. OK. Puis je pense que Charlevoix, ça a quand même... Il y a quand même eu du... c'était un gros adversaire. Il y a eu du monde pas mal. 635 spectateurs lors du premier match sur concours. Oui, eux, ils attendent ça. Ça fait longtemps qu'ils voulaient revenir dans cette ligue-là. Parce qu'eux autres, ils jouaient à Québec avant. Oui, oui. Les gens sont... Les gens sont des grands amateurs, je crois, à Charlevoix. OK, ben c'est clair, c'est clair. Ben, Simon, on va te souhaiter la meilleure des chances cette année avec les MGS de Jonquière. Félicitations pour la première étoile de l'histoire de la Ligue nord-américaine, pas de la Ligue nord-américaine, mais de la Ligue du lac au fleuve. Et on va se reparler certainement au cours des prochaines années. Un gros merci. Simon Gervais de MGS de Jonquière. Merci, Simon.